quelques mots seulement, restent indéchiffrables de lignes presque entièrement effacées. Trois copies du même document traduit en trois langues, l'un anglais, l'autre français, le troisième allemand. En rapprochant ces lambeaux de phrases, nous finirons par leur trouver un sens intelligible, dit John Mangles. C'est ce que nous allons faire, dit Lord Glenarvan. Après l'étude approfondie et l'émission d'hypothèses, pour compléter les espaces blancs, Glenarvan rédigea sans hésiter la note suivante. Le 7 juin 1862, le trois-mâts Britannia de Glasgow a sombré sur les côtes de la Patagonie dans l'hémisphère austral. Se dirigeant à terre, deux matelots du capitaine Grant vont tenter d'aborder le continent où ils seront prisonniers de cruels Indiens. Ils ont jeté ce document par un blanc, degré de longitude et 37 degrés 11 de latitude. Portez leur secours ou ils sont perdus. Une voiture attelée en poste attendait Lady Helena pour la reconduire à Malcolm Castle avec le major Manaps. Puis Lord Glenarvan, après avoir embrassé sa jeune femme, s'élança dans l'express du railway de Glasgow, mais avant de partir, il avait confié pour le télégraphe électrique un avis rédigeant ces termes. Pour renseignement sur le sort du trois-mâts Britannia de Glasgow, capitaine Grant s'adressait à Lord Glenarvan, Malcolm Castle, Luss, comté de Dunbarton, Écosse.